Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'intelligence peut-elle devenir artificielle ? Comment l'intelligence pourrait-elle se définir ? On dit souvent qu'elle est l'ensemble des processus de pensée d'un être vivant qui lui permettent de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. Bien, mais cette phrase a beau être intelligente, elle est un peu vague. Elle ne précise pas, par exemple, dans quelle mesure on doit considérer que le sens commun fait partie de l'intelligence. Par ailleurs, le sens du mot intelligence est-il le même selon qu'on parle d'intelligence humaine ou d'intelligence artificielle ? Aujourd'hui, qu'est-ce que la première parvient à faire que la seconde ne peut pas faire, et réciproquement ? Régulièrement, les journaux nous informent que l'intelligence artificielle bat l'intelligence humaine dans certains secteurs ou dans certaines activités, comme les jeux d'échecs ou de Go. En d'autres termes, le silicium écrase parfois le neurone. Nous sommes donc des êtres imparfaits, du moins en certains domaines, et nous ne pouvons pas prétendre que nous ne le savons pas. Dès lors, pourrions-nous être tentés d'abandonner notre idéal d'autonomie et de nous confier à la perfection de machines qui pourraient nous relayer, qui pourraient choisir, décider et peut-être même penser à notre place? Pour discuter ces questions, j'ai invité Yann Lequin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un pionnier de ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, c'est bien la bonne traduction ? L'apprentissage machine, l'apprentissage automatique, oui. Et le deep learning, qui est l'apprentissage dit profond. Vous avez notamment travaillé à des systèmes de reconnaissance de l'écriture manuscrite qu'on utilise pour la lecture de chèques, par exemple. Et depuis 2013, vous dirigez le FAIR, F-A-I-R, qui est un laboratoire implanté à New York et à Paris. Alors FAIR, ça veut dire, je crois, Facebook Artificial Intelligence Research. C'est ça. Il y a intelligence dans ce mot, dans cet acronyme, donc vous êtes l'homme de la situation. Et en 2016, je le dis pour les auditeurs, vous avez donné une série de cours au Collège de France qui sont accessibles en ligne. Alors, ma première question, Yann Lequin, serait de savoir si vous avez une définition, disons, personnelle de l'intelligence. Alors, la définition que je donne souvent, c'est la capacité... des gens et des machines ou des animaux à effectuer des tâches telles que la perception, le contrôle, la planification et surtout la capacité d'apprentissage. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'intelligence artificielle de ces dernières années qui est devenue inséparable de l'apprentissage. Alors dans la vision que moi j'avais citée, il y avait le mot « être vivant ». L'intelligence était réservée aux êtres vivants. Alors, l'intelligence... Est-ce qu'une machine peut être intelligente et donc est-ce qu'on pourrait reprendre cette définition en enlevant être vivant ou en remplaçant être vivant par machine ? Tout à fait. Les machines peuvent être intelligentes, elles ont le potentiel de devenir intelligentes. Pour l'instant, aucune machine, on n'a pas la technologie disponible pour rendre les machines aussi intelligentes que même un animal de compagnie comme un chat ou un chien. Donc a fortiori un humain. Mais par contre, on a des technologies qui permettent aux machines d'effectuer des tâches que normalement on attribue aux humains intelligents avec une performance supérieure. Ah, j'ai une autre question, il y a le cas sur le mot intelligence. Vous avez un pied aux États-Unis, un pied en France. Est-ce que le mot intelligence a le même sens en anglais et en français ? Est-ce qu'il y a des petites nuances qui les différencient ? Non, pas vraiment. Je pense que les gens y attribuent un petit peu le même sens. Alors, évidemment, il y a plusieurs sens au mot intelligence. Hein. Ça veut aussi dire espionnage, voilà, renseignement, etc. C'est pas le même sens qu'en français pour l'espionnage. Pas pour l'espionnage. Donc c'est un mot à double sens en anglais, mais le sens premier est le même. Est-ce que vous avez accepté de nous donner quelques informations biographiques ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet ? Vous avez fait une école d'ingénieur ? J'ai fait une école d'ingénieur, mais je m'intéressais à... À une époque où l'informatique était balbutiante ? Oui, enfin par bon, c'était aujourd'hui. À la fin des années 70, début des années 80. En fait, si on réfléchit aux grandes questions scientifiques de notre temps, il y en a peut-être trois. La première, c'est de quoi est fait l'univers. Hein, donc on se lance dans la physique, on s'intéresse à cette question. La deuxième, c'est qu'est-ce que la vie ? On peut s'en servir à la biologie. Et la troisième, c'est comment marche le cerveau ? Ou qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Quels sont les secrets de l'intelligence? C'est les trois grandes questions un peu non résolues de la science aujourd'hui. Alors évidemment, un petit peu, toutes les autres questions sont liées à ça. Et donc je m'intéressais un petit peu aux trois questions, mais ayant la fibre de l'ingénieur, si vous voulez, peut-être qui m'a été communiquée par mon père, qui était ingénieur en aéronautique, je me suis dirigé vers des études d'ingénieur et en utilisant ces connaissances-là, essayer d'avoir une approche de compréhension de l'intelligence qui consisterait à fabriquer une intelligence artificielle pour voir si elle arrive à expliquer certains phénomènes qu'on observe dans l'intelligence biologique. Alors vous racontez dans une conférence que j'ai pu regarder que vous avez été très marqué par la discussion, la controverse même entre Piaget et Chomsky. Oui. Alors elle portait sur quoi et en quoi est-ce qu'elle a été décisive pour vous? Alors c'est le débat de longue date entre l'inné et l'acquis. Donc Chomsky est un linguiste et qui avait émis l'hypothèse que la structure des langues humaines sont toutes très similaires et que par conséquent, ça suggère l'existence d'un module préexistant, peut-être pré-câblé par la génétique dans notre cerveau pour permettre le langage. Et Piaget s'inscrivait un peu en faux. Lui, c'est un spécialiste de l'apprentissage et du développement des enfants, disant que le langage est probablement appris. Alors évidemment, il y a probablement une graine génétique qui le permet, mais qu'en grande partie, c'est appris. Donc c'est le débat entre l'inné et l'acquis. Et en lisant ce livre, effectivement, déjà, je me trouvais beaucoup plus en accord avec les thèses du camp de Piaget et j'ai surtout découvert l'existence de travaux qui dataient des années 50 tendaient à essayer de construire des machines capables d'apprentissage. Je trouvais ça absolument fascinant parce que j'ai toujours un peu pensé que l'apprentissage était vraiment inséparable de l'intelligence. Est-ce que les neurosciences ont tranché cette question en examinant le cerveau et en repérant des zones dites de langage qui montrent comment le cerveau s'arrange pour reconnaître des sons, leur donner un sens? Alors, il y a des zones de langage dans le cerveau, mais la manière dont on sait qu'elles sont des zones de langage, c'est que si elles sont détruites, on n'arrive plus à parler ou on ne comprend pas la langue. Alors, c'est pas vraiment une information très précise sur comment le langage est traité. Ce qu'on sait par contre, c'est que le langage est apparu relativement récemment dans l'évolution. Et que les zones qui sont spécifiques au langage sont en fait relativement petites dans le cerveau. Donc c'est un avis très personnel, mais il semblerait que le langage en fait soit relativement simple par rapport à d'autres fonctions du cerveau, telles que la capacité à percevoir, à planifier, etc., qui sont en fait beaucoup plus compliquées. Alors, puisqu'on en est au langage, et que je disais tout à l'heure, enfin je posais la question de savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire que l'intelligence humaine ne peut pas faire, ou l'inverse. Il y a aujourd'hui des moyens de traduire de façon automatique de l'anglais en français ou même dans n'importe quelle langue. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, les machines qui font ce travail comprendront ce qu'elles traduisent? Oui, alors pour l'instant, elles font de la traduction, mais sans vraiment très bien comprendre le sens d'un texte ou en ayant une compréhension extrêmement superficielle, ce qui les mène à faire très souvent des contresens. Il y a quand même eu des gros progrès récents dans ce domaine, où par le passé, les systèmes de traduction, jusqu'à il y a 2 ans environ, utilisaient des espèces de catalogues de transcription de groupes de phrases et puis ensuite faisaient des statistiques sur comment ces phrases étaient traduites d'une langue à l'autre. Dans les 2 dernières années, on a commencé à voir le déploiement de systèmes de traduction basés sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, donc qui utilisent l'apprentissage profond et qui ont amené des performances nettement supérieures, mais on est encore très très loin d'avoir des systèmes qui font des traductions parfaites. Alors, c'est le moment d'aller un peu dans le cœur de votre travail de recherche. Vous avez parlé d'apprentissage profond. Avant, j'avais parlé de machine learning, d'apprentissage automatique. Quelle est la différence entre les deux? On a commencé par le premier, le machine learning. Oui, on peut même commencer par l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle rend les machines plus intelligentes. Une approche de ça, qui était une approche qui était classique dans les années 70 et 80, était de en fait construire à la main l'intelligence de la machine. Donc à une certaine époque, les méthodes qui permettent par exemple de trouver le plus court chemin d'un point à un autre étant donné une carte faisaient partie de l'intelligence artificielle. Maintenant on a complètement résolu le problème, n'importe quel GPS peut faire ça. C'est un problème d'optimisation. C'est un problème d'optimisation, voilà, ça ne fait plus partie de l'intelligence artificielle. La planification de chemin. De même, les méthodes de recherche arborescente pour, par exemple, jouer aux échecs ou aux dames, faisait partie de l'intelligence artificielle. Ça n'en fait plus vraiment partie. On sait comment faire maintenant, c'est bien compris. Il n'y a pas de capacité d'apprentissage dans ces systèmes. Il y a une grande catégorie d'approches, ce qu'on appelle... Parce que là, on s'appuie uniquement sur la capacité de calcul de la machine, la qui explore toutes les possibilités, qui choisit la meilleure. C'est ça. Et puis aussi aux capacités des concepteurs humains à décortiquer le mécanisme de raisonnement en une séquence d'opérations relativement simple. Alors cette approche, en fait, en anglais, on appelle ça aussi good old fashioned AI, donc la bonne vieille AI, comme dans le temps. En particulier, un ensemble de techniques qu'on appelle les systèmes experts, qui était un petit peu à la mode dans les années 80, qui consiste à écrire, en fait, à réduire le savoir et la compétence d'un expert humain en une série de règles qui permettent de faire des déductions logiques et peut-être de faire du diagnostic, par exemple, etc. Mais on s'est aperçu que réduire un raisonnement en une suite de règles, en fait, s'avère extrêmement compliqué. Le résultat est un peu friable, enfin pas très fiable. Donc depuis une quinzaine d'années, il y a eu un grand engouement pour les méthodes d'apprentissage automatique. Donc au lieu d'écrire directement un programme qui résout le problème, on écrit un programme un petit peu général, si vous voulez, qui est ajustable. Et on entraîne ce programme. Donc c'est l'idée de l'apprentissage automatique. On l'entraîne, c'est-à-dire on le soumet à des cas et on le corrige s'il se trompe. Alors donc par exemple, si on veut construire un système qui reconnaît des objets dans les images, il doit nous dire s'il y a une voiture ou un avion dans une image. On lui montre une image d'un avion. S'il dit avion, on fait rien. S'il dit voiture, on lui dit tu t'es trompé. Et la machine ajuste ses paramètres internes pour que la prochaine fois qu'on montre la même image, la sortie soit plus proche de la sortie qu'on veut. Et si on lui montre une voiture qui a des ailes, il fait quoi ? Alors voilà, donc probablement il va un peu hésiter entre les deux. À force de montrer des milliers ou des dizaines de milliers ou quelquefois des millions d'images et d'exemples de chaque catégorie, la machine arrive à abstraire la notion. Alors, donc elle arrive presque à fabriquer un concept ou à comprendre un concept. Voilà. Alors jusqu'à récemment, les méthodes d'apprentissage en fait étaient relativement simples et ne pouvaient pas vraiment dégager des concepts nouveaux. C'est-à-dire que l'image devait d'abord au préalable être encodée par un programme fait par des ingénieurs. Et la partie apprentissage en fait était une partie relativement mineure de tout le système. Mais qui dépend du nombre de données qu'on a. Il faut avoir des masses énormes d'informations à transmettre. Voilà. Alors plus le système est flexible, c'est-à-dire plus il peut apprendre de choses, plus il faut de données pour l'entraîner en fait. Donc plus il est potentiellement puissant ou intelligent, plus il faut l'entraîner avec beaucoup de données. Alors ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que des techniques qui avaient été inventées en fait il y a assez longtemps, à la fin des années 80, début des années 90, ont été remises au goût du jour grâce au progrès des ordinateurs et à l'augmentation des tailles de bases de données sur lesquelles on peut entraîner. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond. L'apprentissage profond est l'idée de construire une machine à apprentissage. La raison pour laquelle on l'appelle profond, c'est que le calcul qui se déroule dans ces machines est constitué de plusieurs couches de calcul, disons, effectuées les unes après les autres. Chaque couche implique quelques millions ou dizaines de millions de calculs élémentaires. Et on peut entraîner cette machine de bout en bout. Module par module. En fait, tout à la fois, tous les modules à la fois, mais dans le processus d'apprentissage, les couches intermédiaires internes de cette machine, en fait, justement, apprennent des concepts intermédiaires qui ne sont pas directement programmés dans la machine. Donc, par exemple, c'est clair que si on veut reconnaître une voiture, c'est probablement une bonne idée de détecter les roues. Pour reconnaître un avion, peut-être détecter les ailes. Le système, tout seul, en fait, apprend par lui-même à détecter les parties importantes qui signent l'identité de l'objet. Voilà. Mais qui a inventé cette expression de deep learning? Alors, en fait, c'est un recyclage d'une vieille idée qui date, comme je l'ai dit précédemment, des années 80. Les gens sont beaucoup intéressés aux années 80, c'est un petit peu à l'époque où j'ai commencé ma thèse de doctorat en France, à ce qu'on appelait les réseaux de neurones artificiels, en particulier les réseaux multicouches. Dans les années 80, on trouvait justement ces méthodes de base, ces algorithmes pour entraîner ces réseaux de neurones multicouches. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? On appelle ça réseau de neurones parce que c'est un programme sur un ordinateur, mais ce programme, on peut le voir comme simulant un réseau de modèles mathématiques très simplifiés de neurones. Donc des nœuds, si vous voulez, dans un qui sont interconnectés les uns avec les autres. Comme les neurones sont interconnectés par les synapses. Comme les neurones sont interconnectés par les synapses dans le cerveau. Alors, il y a eu des hypothèses qui dataient des années 50, assez longtemps, que le siège de l'apprentissage en cerveau réside dans les synapses, dans le changement d'efficacité des synapses. Donc, on apprend en modifiant l'efficacité de nos synapses. Donc, ça a conduit à des modèles dans les années 50, des machines même qui ont été construites, ce n'était pas des programmes sur des ordinateurs, c'était des machines construites à partir d'électronique. Un modèle en particulier qui s'appelle Perceptron, qui a eu un certain succès dans les années 50, qui était une des premières machines capables d'apprentissage par modification de coefficient d'un espèce de neurone simplifié, un modèle électronique en fait d'un neurone. Et c'est il y avait des limitations assez importantes en fait à ces modèles qu'on a découvert dans les années 60, ce qui fait que le champ d'investigation est un petit peu tombé en désuétude dans les années 70. C'était un simple ordinateur analogique à l'époque. À l'époque, c'était un ordinateur analogique. Très rapidement, dans les années 60, les gens ont réussi à faire des programmes sur les ordinateurs classiques pour faire la même chose, ce qui était beaucoup plus simple et beaucoup plus flexible. Mais on s'est aperçu que donc c'était des systèmes d'apprentissage à une seule couche. Et on s'est aperçu assez rapidement que la puissance de ces systèmes était très limitée. C'est-à-dire on pouvait leur faire les entraîner pour leur faire reconnaître des formes très simples, dans des images très simples en noir et blanc, de très basse résolution. Mais on ne pouvait pas les entraîner à reconnaître des objets, des vrais objets dans des photos, des choses comme ça. Et il y a eu des théories qui ont montré que c'était probablement impossible avec ce genre d'architecture. Donc ça a conduit à une espèce de période noire dans laquelle les gens ne travaillaient plus là-dessus. C'est à l'époque où j'étais étudiant. Mais c'est quand même quelque chose qui m'intéressait. J'ai appris l'existence de ça justement en lisant ce débat entre Chomsky et Piaget, grâce à un article d'un certain Seymour Papert, qui était chercheur au MIT à l'époque et qui avait travaillé sur les perceptrons. En fait, qui avait même écrit le livre qui un petit peu détruit l'intérêt de la communauté pour ces modèles, mais qui en faisait l'éloge dans ce débat. Et c'est une expression que vous connaissiez, réseau de neurones, ou vous l'avez découverte en lisant? J'ai découverte en lisant les articles des années 50 à la suite de la lecture de ces petites transcriptions de l'intervention de Seymour Papert. Donc ça a mené à une période noire, et puis dans les années 80, les physiciens en particulier se sont réintéressés aux réseaux de neurones grâce à une espèce d'analogie que certains physiciens avaient découvert entre des systèmes physiques assez complexes qu'on appelle les vers de spin et la dynamique des réseaux de neurones interconnectés les uns avec les autres. Donc ça a rendu le champ d'investigation plus respectable. Et ça a ravivé un petit peu l'intérêt de la communauté d'informatique et des sciences de l'ingénieur là-dedans. Et quelques algorithmes nouveaux ont été inventés pour entraîner justement ces réseaux multicouches qui étaient vraiment la limite, ce qui constituait la limite des possibilités des systèmes avant. Donc dans les années 80, enfin j'ai un peu participé à ça, on a découvert une méthode qu'on appelle, c'est un mot savant, la rétropropagation de gradient. Donc c'est la technique qui permet de savoir dans quelle direction et de combien ajuster chaque synapse de manière à ce que la sortie d'un réseau neurone se rapproche de la sortie qu'on veut. Et ça a causé un engouement assez rapide, en fait. C'est un résultat mathématique, en fait, non? Oui, mais en fait, les mathématiques qui sont derrière ça sont extrêmement simples. C'est ce qu'on apprend en première ou en terminale. C'est la règle de dérivation des fonctions composées. Mais la réalisation qu'on puisse utiliser ce concept pour entraîner une machine, en fait, pour l'apprentissage, date environ des années 80. Il y a eu des idées qui traînaient un petit peu dans les années 70, mais qui n'avaient jamais été correctement interprétées. Et donc, il y a eu un nouveau décollage de l'intérêt dans les réseaux de neurones dans les années 80, la fin des années 80, juste à l'époque où je commençais ma carrière de chercheur, qui a conduit à certains succès. Donc, effectivement, on a construit des systèmes de reconnaissance de caractère, de lecture optique. Il y a eu des essais de systèmes de reconnaissance de la parole qui ont eu un petit peu de succès, pas énormément, mais partiellement. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un premier pas de géant? Ça a été vraiment un pas de géant, en ce sens que, d'un seul coup, ça a ouvert la porte sur un monde de possibilités qui n'était pas possible. Je vous pose la question parce que vous avez choisi comme premier morceau musical Giant Steps de John Coltrane qu'on va écouter. Thank you. Giant Step de John Coltrane. Pourquoi ce choix, Ian Lecoeur ? Je suis un grand fan de jazz. Habitant à New York, c'est une bonne idée d'être fan de jazz. Je suis, je peux aller à pied à mes clubs de jazz préférés. Ce que j'aime dans le jazz, c'est la performance intellectuelle qui consiste à improviser. Et donc, John Coltrane, c'est un peu le summum de l'improvisation au saxophone ténor. Ce morceau a marqué l'histoire du jazz à la fin des années 50 et tout étudiant de musique et de jazz se doit de passer des heures à décortiquer ce morceau qui a une espèce de régularité mathématique, un espèce de cycle d'accords, enfin une structure extrêmement complexe dedans, et c'est très très difficile d'improviser dessus. Je suis musicien amateur mais de très mauvais niveau, et c'est pour moi quasiment impossible d'improviser là-dessus. Donc ce que j'aime bien dans le jazz, mais c'est improviser sur quelque chose, ça veut dire quoi? C'est une sorte de contradiction dans les termes. Alors oui, alors le jazz, enfin la forme de jazz, ce qu'on appelle straight ahead en anglais, c'est une grille d'accords qui définit un morceau. On joue la mélodie deux fois au départ et puis ensuite on improvise en essayant de rester un petit peu dans la grille d'accords, de s'inspirer de la mélodie, mais bien sûr d'improviser de manière inventive. Et c'est très difficile d'inventer comme ça en temps réel devant une audience. Et à mon avis, c'est une performance intellectuelle très très mystérieuse et qui permet une communication directe entre l'artiste et l'audience. Le jazz s'apprécie en live plus qu'en enregistrement. Et c'est quelque chose que... Si j'extrapole un petit peu ce que vous venez de dire, j'ai l'impression que vous pensez qu'il y a une sorte de relation entre l'intelligence et la capacité d'improvisation. Je me trompe? Il y a une intelligence dite artificielle qui ne serait pas capable d'improvisation, et simplement de répétition à l'identique, ne serait pas vraiment intelligente. Toutes les tâches humaines qui nécessitent des années d'entraînement pour arriver à un bon niveau, en fait, sont des tâches intelligentes dans lesquelles une grande partie du cerveau est recrutée pour la faire. Donc, ça veut dire que ce sont des tâches intelligentes, effectivement. Alors, on peut écrire des programmes, par exemple, qui vont faire l'improvisation en jazz, mais ça présente très peu d'intérêt parce que l'intérêt du jazz, c'est de communiquer un état d'âme, des émotions, etc. C'est une espèce de langage qui, bien sûr, n'existe pas pour l'instant quand on communique avec une machine. Alors, on va continuer l'histoire de l'intelligence artificielle avec vous, Ian Lecoeur, ce qui d'ailleurs me conduit à vous poser la question de savoir s'il y a déjà de l'intelligence artificielle ou si c'est simplement le nom d'un projet, d'un programme dont rien ne garantit qu'il aboutira. Alors il y a déjà l'intelligence artificielle. Donc si on se place dans l'histoire ancienne, comme j'ai dit précédemment, en fait, tout un tas de problèmes qu'on considérait comme faisant partie de l'intelligence artificielle dans les années 60-70, maintenant font partie de la boîte à outils standard de l'informatique, donc on les considère plus comme faisant partie de l'intelligence artificielle. Plus récemment, l'intelligence artificielle est devenue synonyme d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond en particulier. Et ce qui fait que on ose reparler d'intelligence artificielle aujourd'hui, après en fait plusieurs décennies où on n'osait pas trop formuler le terme ou l'expression, c'est que on commence à avoir des systèmes qui marchent pour faire justement la reconnaissance d'images, la reconnaissance de la parole, l'interprétation de texte, la traduction. À partir de ça, on peut construire des machines qui se conduisent toutes seules, des voitures qui se conduisent toutes seules, des systèmes d'interprétation d'images médicales, de diagnostics, etc. Donc, tout un tas de techniques de ce type-là commencent à marcher vraiment bien. Et ça a rendu les gens dans le domaine un peu plus confortables avec l'idée de, comme on dit en bon anglais, avec l'idée de réutiliser la phrase intelligence artificielle. Mais en fait, ce qu'on veut dire par intelligence artificielle aujourd'hui, ça veut dire l'apprentissage profond. Mais en fait, on pourrait se dire finalement, le cerveau est intelligent, mieux on le comprend et... Mieux, en le copiant, on pourrait fabriquer de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la bonne piste? Alors, on peut s'inspirer du cerveau, on peut s'inspirer de la biologie, de même que les pionniers de l'aviation se sont inspirés des oiseaux et des chauves-souris. Mais c'est pas en les copiant qu'ils ont réussi. C'est pas en copiant qu'ils ont réussi. Ils ont certainement tiré une espèce d'inspiration. Donc, déjà, le fait que ce soit possible de voler. De voler avec un objet plus lourd que l'air. Était suggéré par les oiseaux. Donc de même, on sait qu'il est possible de construire des machines intelligentes avec, en principe en tout cas, d'intelligence similaire à l'intelligence humaine. C'est une preuve d'existence, mais c'est pas du tout, ça ne suggère pas comment faire. Alors si on essaie de copier la nature de manière un petit peu aveugle, sans vraiment comprendre les principes sous-jacents, on se heurte très souvent à des échecs. C'est-à-dire que c'est pas simplement en copiant les détails, on ne sait pas quels détails dans le cerveau sont importants pour l'intelligence. On ne sait pas comment organiser le tout pour que tout fonctionne correctement. Donc il faut découvrir les principes sous-jacents à l'intelligence, de même qu'on a découvert les principes sous-jacents au vol des avions, qu'on appelle l'aérodynamique, le principe de Bernoulli, etc. Oui, vous citez dans vos cours l'exemple de Clément Ader qui a trop copié la chauve-souris, y compris dans des détails qui n'ont aucune importance pour le vol. Voilà, alors c'est une expérience que je fais souvent quand je montre cet exemple. Donc Clément Ader est un des pionniers de l'aviation français, qui était un concepteur de moteurs à vapeur en fait, et qui a construit un avion à la fin du 19e siècle en forme de chauve-souris. Cet avion a décollé, en tout cas c'est ce qu'on pense. Quelques mètres, pas plus. Une cinquantaine de mètres, à peu près 50 cm d'altitude, et puis ensuite s'est écrasé parce qu'en fait il n'avait aucune stabilité ni capacité de contrôle. Il ne pouvait pas être piloté, c'était des questions qui n'avaient pas du tout préoccupé Clément Ader, qui voulait simplement décoller. Et qui avait copié un petit peu de trop près la biologie sans vraiment se préoccuper de ces autres questions. Donc on peut faire le contraste avec les frères Wright aux États-Unis qui ont eu une approche beaucoup plus pragmatique et basée sur les sciences de l'ingénieur. Ils ont construit une soufflerie, ils ont construit des planeurs, des maquettes, des cerfs-volants, etc. Ils ont fait plusieurs essais avant d'avoir du succès avec leur avion. Ils ont essayé de dégager des principes qui étaient un petit peu empiriques. Hein. C'était pas des théoriciens, c'était des bricoleurs de génie. La théorie n'est venue qu'ensuite, mais l'approche était beaucoup plus pragmatique. Alors il y a un juste milieu entre essayer de s'inspirer et de copier la biologie et par ailleurs comprendre les principes sous-jacents pour arriver à reproduire les aspects importants. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors si on prend l'un de vos premiers sujets d'étude qui est le décryptage de l'écriture manuscrite, comment est-ce que vous avez procédé ? Est-ce que vous avez copié des modèles naturels ou est-ce que vous avez découvert les principes qui permettent de trouver le moyen de comprendre l'écriture manuscrite ? Alors justement, c'est un exemple où le modèle a été vraiment très inspiré par la biologie. Il y a eu des travaux classiques en neurosciences dans les années 60 par Hubble et Wiesel, deux chercheurs résidents aux États-Unis qui ont étudié la structure du cortex visuel chez les chats et les singes. Donc ils ont établi comment les neurones étaient connectés les uns aux autres, comment les neurones étaient connectés à la rétine, comment les neurones étaient connectés les uns aux autres dans les aires perceptuelles du cerveau, donc s'ils sont à l'arrière de la tête, hein, c'est là qu'est notre système visuel. Et ils ont dégagé de ça quelques principes qui à l'époque bien sûr étaient un peu trop compliqués pour pouvoir les simuler sur un ordinateur. Dans les années 70-80, un chercheur japonais qui s'appelle Kunihiko Fukushima, le même nom que la centrale nucléaire, qui est un nom assez commun en fait au Japon, qui travaillait dans les laboratoires de la NHK, donc la station de télévision japonaise, a construit un modèle informatique basé sur les idées de Hubble et Wiesel sur l'architecture du cortex visuel. Il a fait un modèle. À cette époque, on aimait bien donner des noms un petit peu ronflants à ces modèles-là, donc tels que le perceptron. Il a appelé son modèle le cognitron et le néocognitron. Et en fait, donc j'ai lu ces articles quand j'étais étudiant à l'école d'ingénieur et ça m'a beaucoup inspiré. Le problème de son modèle, c'est qu'à l'époque, les algorithmes d'apprentissage pour les réseaux de neurones multicouches, tels que la rétropropagation de gradient dont je parlais précédemment, n'existaient pas encore. Donc il a eu de gros problèmes pour arriver à entraîner son système et lui faire des choses intéressantes. Donc à la fin des années 80, fin des années 80, quand j'ai fini mon doctorat, j'ai commencé à travailler sur un modèle informatique qui utilisait un petit peu la même architecture, inspirée de Hubble et Wiesel, mais qui utilisait les algorithmes d'apprentissage de rétropropagation. Et ça a amené un modèle qu'on appelle les réseaux convolutifs, en français, convolutional networks en anglais, qui est en fait à la base de tous les grands succès en reconnaissance d'images modernes, donc les voitures qui se conduisent toutes seules, l'analyse d'images médicales, le remplissage de... Des systèmes maintenant, on peut faire un croquis, un système d'apprentissage le transforme en photo. Enfin, bon, il y a tout un tas d'applications comme ça, des réseaux convolutifs. Donc c'est une idée qui a sa source dans les années 80. J'ai développé ça quand je travaillais au laboratoire de la compagnie AT&T qui s'appelle Bell Labs. Et les premières applications qu'on a faites de ces réseaux neurones étaient pour la reconnaissance de caractère, pour la raison très simple que c'était la seule source de données à l'époque pour lequel on pouvait avoir suffisamment de données d'entraînement pour un réseau de ce type-là. Et ça prenait des semaines à l'entraîner parce que la puissance des ordinateurs de l'époque n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parle justement beaucoup de la reconnaissance des visages. Est-ce qu'elle s'appuie sur les mêmes principes? Alors oui, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a pu appliquer ça à des domaines un petit peu plus compliqués comme la détection de visage, donc les systèmes de détection de visage qu'il y a dans les appareils photonumériques ou des choses comme ça. Bon, certains sont basés sur des principes différents, mais certains utilisent ce genre de méthode. Et puis, donc ça, c'est apparu dans les années 2000. Il y a eu quelques applications de reconnaissance d'émotions, d'estimation de l'âge, etc. Donc, des machines, par exemple, construites par NEC, la compagnie japonaise, déployées au Japon. Ce sont des machines... qui sont dans les gares, on peut acheter à boire ou à manger, et la machine adresse la personne en fonction de l'âge, en fonction du sexe, du client, lui propose des produits différents en fonction de ça, etc. Donc il y a eu des petites applications comme ça qui étaient relativement mineures, principalement à cause du fait que très peu de gens étaient convaincus du bien fondé de ces méthodes-là. En fait, elles n'étaient pas très populaires, comme on dit en anglais. Et jusque environ dans les années 2012-2013, où il y a eu une démonstration de la part de mon ami et collègue Jeffrey Hinton et ses étudiants à l'Université de Toronto. C'était l'université où j'avais fait mon postdoc à la fin des années 80. Et ils ont pris une version des réseaux convolutifs, très similaire à ce sur quoi j'avais travaillé dans les années passées. Et ils ont réussi à en faire un de très grande taille, entraîné sur une base de données assez grande, avec un million d'exemples d'images à peu près un millier de catégories. C'est une base de données à peu près standard que les gens de la vision artificielle utilisaient pour comparer leurs méthodes. Et ils ont surtout réussi à faire tourner ces réseaux neurones sur ce qu'on appelle les GPU, donc les cartes graphiques qui sont principalement utilisées pour le rendu dans les jeux, et qui s'avèrent être très puissants pour le calcul numérique, ce qui est exactement ce dont on a besoin pour ces réseaux neurones. Donc ils arrivaient à accélérer les calculs d'un facteur 50 ou 100 et puis d'entraîner des grands réseaux de neurones sur ces grandes bases de données. Et en 2012, ils ont battu les records, diminué les taux d'erreur d'un facteur 2 par rapport aux méthodes plus classiques. Et ça a conduit à une révolution extrêmement rapide dans le domaine où les gens, en quelques mois, se sont rués sur ces méthodes-là. Ils n'y croyaient pas vraiment avant. Ils les connaissaient parce que j'en parlais souvent, mais personne ne s'y intéressait beaucoup. Et en l'espace de quelques mois, il y a eu un revirement total. Donc avant 2012, si on soumettait un article, un journal ou un congrès international utilisant ces méthodes-là, en général, l'article se faisait rejeter en disant « on sait que ces trucs-là, ça marche pas, ça n'a aucun intérêt ». J'ai l'impression que vous avez une préscience des ruptures qui vont advenir. Quelle sera la prochaine? On va en parler plus tard. Je pense que c'est ce qu'on appelle l'apprentissage prédictif ou non supervisé, qui à mon avis sera la frontière suivante. Mais ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que deux ou trois ans après, en 2014-2015, maintenant, on a du mal à faire accepter un article dans les mêmes congrès, les mêmes journaux, si on n'utilise pas ces méthodes. Donc il y a eu un revirement complet de la situation, une révolution que je n'ai jamais vue ailleurs, enfin d'une rapidité absolument extrême, et surtout un engouement extrême de l'industrie pour ces méthodes-là, qui des compagnies comme Facebook, Google... IBM, Microsoft et autres ont investi des... Yann Lequin, je parlais de préscience à votre propos, parce qu'il y a un autre sujet pour lequel vous semblez l'avoir, c'est vous avez dit dans une interview, en 2016, on découvre le monde en l'observant. Oui. Quelques mois plus tard, tombe le sujet de Bach dans les séries littéraires, qui est « Suffit-il d'observer pour connaître ?» C'est intéressant. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Oui. J'aurais répondu non. C'est pas si simple. L'observation ne permet pas de connaître, puisque les lois physiques qui permettent de comprendre l'observation, en général, démentent l'observation directe. Il faut la réinterpréter. Alors, c'est amusant que vous mentionniez la physique, puisque vous êtes physicien. Parce que dans la physique, il y a plusieurs domaines. Donc, il y a la physique expérimentale, dans laquelle... la physique pour les choses qui sont proches de nous, dans laquelle on peut faire des expériences bien contrôlées, et on peut effectivement établir les relations cause à effet, etc. Et puis, il y a l'astronomie ou la cosmologie, où là, on peut pas perturber le système. On est obligé de faire l'observation. On peut pas influencer le système. Donc, dans le deuxième cas, on apprend par observation. Mais l'observation n'est vraiment efficace que si on a théorisé avant. Bien sûr. Les ondes gravitationnelles, il fallait avoir avoir les équations d'Einstein pour les détecter. Absolument. Et Donc c'est pas en regardant le ciel qu'on peut se dire, tiens, il doit y avoir des ondes gravitationnelles. Disons que c'est pas seulement en regardant le ciel. Mais ce qu'on peut pas faire, bien sûr, c'est... Donc ça fait un sujet de bac en deux parties. Première partie, oui. Deuxième partie, non. Puis on fait une synthèse. Alors, c'est une question qui m'intéresse beaucoup et la réponse n'est pas simple. C'est-à-dire que, et c'est un débat à l'intérieur de la communauté d'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on apprend principalement par interaction avec le monde? Ou est-ce qu'on apprend principalement par observation? Mais bien sûr, il faut toujours un petit peu d'interaction pour établir certaines relations. Alors, je discute beaucoup avec un collègue qui travaille sur les sciences cognitives et le développement de l'enfant à l'école normale supérieure, qui s'appelle Emmanuel Dupoux. On a une collaboration, il a une collaboration avec des chercheurs du laboratoire de Facebook. Et donc lui étudie le développement des enfants et dit que le développement perceptuel chez les enfants arrive beaucoup plus tôt que le développement moteur. C'est-à-dire que les enfants comprennent beaucoup de choses sur le fonctionnement du monde sans vraiment pouvoir interagir avec le monde, avant qu'ils puissent vraiment interagir avec le monde. Donc par exemple, en quelques minutes ou quelques heures de vie, les bébés apprennent à suivre les visages. En quelques mois, les bébés apprennent que quand un objet est caché, il est toujours là. Donc la notion de permanence des objets, c'était quelque chose que Piaget aussi discute de ça beaucoup. Ça prend un petit peu plus de temps, enfin quelques mois, pour faire la différence entre les objets inanimés et les objets animés, les objets rigides et les objets mous, etc. Et puis, des notions qui nous semblent complètement évidentes et très simples, comme la notion de gravité, le fait qu'un objet qui n'est pas supporté tombe. Les bébés apprennent ça aux alentours de 8 mois, entre 6 et 8 mois. Donc ça prend beaucoup de temps, en fait, avant de réaliser ce qui est possible dans le monde, de construire un modèle mental du monde qui nous permet de prédire ce qui va se passer. Et en fait, c'est un composant essentiel de l'intelligence. Ce que j'aime à dire souvent, c'est que la capacité à prédire est l'essence de l'intelligence. C'est pas, bien sûr, suffisant, mais c'est... Mais est-ce que le sens commun ou le bon sens font partie de l'intelligence, du coup ? Du coup, le bon sens, ou le sens commun, est une conséquence de l'accumulation de savoirs de base sur le fonctionnement du monde qu'on acquiert par observation et par interaction avec le monde. Alors, Yann Lequin, vous avez choisi un second morceau de musique, Le Sacre du Printemps. C'est sa troisième apparition dans la conversation scientifique. Ah. Mais c'est peut-être pas le même extrait. Sacre du Printemps de Stravinsky, un grand classique de la conversation scientifique. Vous le saviez? Je ne savais pas que... Enfin, j'ai beaucoup d'amis, évidemment, qui aiment ce morceau de musique. Ça marque une époque, c'est la modernité du début du XXe siècle. C'est un nouveau type de musique qui n'existait pas avant. Et c'est ce que j'aime, l'innovation dans la musique. Dans la disruption. Puis, vous aimez la disruption? Oui, et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est la musique. Bon, ça va sembler très élitiste, mais c'est la musique intelligente, c'est-à-dire la musique qui demande beaucoup d'efforts de la part de l'auditeur pour en interpréter le sens. Donc le jazz en fait partie, surtout le jazz un petit peu avant-garde. Et puis le Sacre du Printemps, c'est aussi la même chose, c'est du chaos organisé dans lequel, si on écoute attentivement, en fait, on découvre une structure extrêmement complexe, et c'est ça qui procure un certain plaisir. Donc l'idée de musique évoque la composition. Et je voulais vous interroger sur une phrase que vous citez dans l'un de vos cours, qui est dite par un chercheur, je crois, qui dit « Le monde est compositionnel ou bien Dieu existe. Oui, alors c'est un collègue de l'université de Johns Hopkins à Baltimore qui s'appelle Jason Eisner, qui est chercheur spécialisé dans le traitement de langage naturel. Et il a fait cette réflexion au cours d'une conférence qu'il donnait, et il ne d'ailleurs s'en rappelle plus, mais elle m'a vraiment intéressé. Ce que ça veut dire, c'est que le monde est très désorganisé et chaotique. Et il y a une réflexion de Einstein qui est très connue, dans laquelle il dit la chose la plus incompréhensible à propos du monde, c'est qu'il soit compréhensible. Donc comment se fait-il que le monde est organisé et qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse faire des théories, le prédire, savoir que si on pousse sur une bouteille, elle va se renverser, des choses comme ça, enfin savoir comment fonctionne le monde. Et une explication possible, c'est que le monde est compositionnel, c'est-à-dire que c'est clair que si on prend la langue, par exemple, des caractères s'assemblent pour former des syllabes, les syllabes s'assemblent pour former des mots, les mots s'assemblent pour former des clauses ou des phrases, les phrases s'assemblent pour former des paragraphes, des textes, etc. Donc il y a une structure hiérarchique dans laquelle des petits morceaux s'assemblent pour former des morceaux de niveau d'abstraction un peu plus élevé. De même, pour les images, il y a une structure très similaire. Et en fait, c'est l'idée de base qui justifie ces architectures de réseaux convolutifs à plusieurs couches. Je reviendrai. Dans lequel une image peut être vue comme étant composée de petits contours élémentaires, c'est-à-dire de petits motifs très très simples, élémentaires. Des contrastes entre une zone d'ombre et une zone lumineuse, par exemple, qui indiquent la frontière d'un objet. Donc ces petits contours s'assemblent pour former des formes de contours, des formes simples, des cercles, des coins, des choses comme ça. Celles-là s'assemblent pour former des textures, des formes un petit peu plus complexes, qui s'assemblent pour former des parties d'objets, qui s'assemblent pour former des objets, des scènes, etc. Donc il y a cette structure hiérarchique compositionnelle. C'est calqué un petit peu aussi sur la physique, où les particules élémentaires s'assemblent pour former des particules. Oui, mais il y a des lois. Il y a des lois aussi dans les données réelles. On pourrait dire que si on comprend le monde, c'est parce qu'on identifie les lois qui le régissent, et que la composition dont vous parlez est une conséquence des lois. Oui, c'est ça, exactement. La compositionnalité est une conséquence des lois, mais c'est le fait qu'il y ait des lois qui rend le monde compréhensible. Et sinon, Dieu existe. Alors, la boutade, c'est que s'il n'y avait pas ces lois, donc le monde serait un chaos total. Et à ce moment-là, pour comprendre le monde, il faudrait invoquer effectivement une divinité active. Oui. Donc, le monde est compositionnel ou Dieu existe. Bon, je comprends mieux cette phrase qui me laissait quand même un peu perplexe. Voilà, perplexe. Alors. Avant de parler des questions éthiques, qui sont très nombreuses dans le sujet que vous traitez, est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura des machines qui seront généralement intelligentes, et pas simplement intelligentes pour faire telle ou telle tâche, et y compris dans des zones où elles sont capables de nous dépasser, de nous écraser, comme les exemples qu'on a déjà cités? Oui, alors l'énorme majorité des gens qui travaillent dans le domaine sont convaincus qu'il sera possible à terme de construire des machines qui seront généralement intelligentes, aussi bien que les humains, qui dépasseront probablement même l'intelligence humaine. Qui sont capables de comprendre les réactions humaines, des émotions, de comprendre les émotions, peut-être d'en avoir elles-mêmes. Oui, car modéliser le monde, ça veut dire aussi... comprendre le monde, ça veut dire aussi comprendre les gens qui s'y déplacent. Mais est-ce que ça veut dire que nos émotions seraient en fait simulées? Nous simulerions nos propres émotions comme des machines pourraient le faire? Alors, je pense que les machines auront des émotions. Les machines intelligentes auront des émotions. Je ne pense pas qu'on puisse séparer l'émotion de l'intelligence. L'émotion, en fait, c'est une anticipation d'un résultat positif ou négatif, très souvent. Par exemple, la peur est le résultat d'une incertitude sur le futur. Parce qu'on essaie de prédire ce qui va se passer dans le futur, et soit on ne peut pas prédire ce qui va se passer et on imagine la possibilité de quelque chose de très mauvais qui va se passer, ou alors on est persuadé que quelque chose de mauvais va se passer. Ça crée un sentiment de peur. Donc, tous les sentiments sont créés par des formations à la base de notre cerveau qui contrôlent qui ont été construits en nous par l'évolution pour la survie de l'espèce. Quand on a faim, on mange, quand ça nous gratte, on se gratte. Ce que vous dites, parce que ça laisse entendre que, par exemple, les machines pourraient avoir des désirs. Oui, les machines auront des désirs, bien sûr. Sinon, qu'est-ce qui les poussera à faire quelque chose? Donc, les machines autonomes seront constituées, en fait, de trois modules. On peut voir ça de manière un petit peu simplifiée. Donc, un module qui serait un modèle du monde, c'est-à-dire un module qui permet à la machine de prévoir comment le monde va évoluer, comment son environnement va évoluer, et peut-être de prévoir comment l'environnement évoluerait comme conséquence de ses propres actions. Et ça, c'est très important pour pouvoir planifier. C'est-à-dire, si vous voulez planifier une séquence d'actions, il faut savoir à l'avance quelles vont être les conséquences de ces actions. Donc, il faut la capacité à construire un modèle du monde. Par exemple, nous avons des modèles du monde qui sont extrêmement sophistiqués. Une grande partie de nos cerveaux, probablement la moitié frontale de notre cerveau, est entièrement dédiée à construire des modèles du monde et à prendre des décisions. On a une notion très claire de la physique intuitive et ça nous permet de remplir l'information manquante. Donc si je dis une phrase très simple, par exemple, Étienne prend son sac et sort de la pièce. Nous sommes à la radio, aucun de nos auditeurs ne peuvent voir notre situation, mais ils peuvent se représenter la séquence d'événements qui va se passer. Vous allez devoir vous lever, étendre votre bras, fermer la main autour de la poignée du sac, marcher vers la porte, probablement ouvrir la porte, etc. Une fois que vous serez sorti de la pièce, vous ne serez plus dans la pièce, parce qu'on ne peut pas être à deux endroits en même temps. Ça paraît évident, mais il faut apprendre ce genre de notions. Vous n'allez pas vous dématérialiser ou voler, à moins que vous ayez cette capacité surhumaine, je ne sais pas. Pas à ma connaissance. Vous n'allez pas attirer votre sac par télékinèse. Donc il y a tout un tas de choses, en fait, avec ces quelques mots dans cette phrase, on peut inférer une quantité d'informations énormes sur, en fait, la scène et sur le déroulement des événements. Pour que une machine comprenne cette espèce de sens commun, oui, lié au sens de la phrase, il faudra lui fournir beaucoup, beaucoup d'informations. Il faudra lui montrer, en fait, une expérience similaire à l'expérience vécue par les bébés, les enfants, qui leur permettent d'apprendre comment fonctionne le monde. Mais la pensée humaine, elle ne fait pas que calculer, décider, prévoir, s'adapter. Elle médite aussi. Alors oui, méditer, ça veut dire peut-être utiliser son modèle interne du monde pour imaginer ce qui peut se passer dans le futur ou imaginer ce qui... Ou réfléchir à sa condition. Évidemment. Alors je reviens à ces trois modules d'un système intelligent. Donc il y a le module de prédiction, le modèle du monde. Et c'est ce qu'on ne sait pas faire à l'heure actuelle en intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'une grosse partie de nos recherches à Facebook, de mes recherches en particulier personnelles, sont sur des nouveaux principes d'apprentissage qui permettraient aux machines d'apprendre des modèles du monde. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage prédictif ou l'apprentissage non supervisé. Et on ne sait pas le faire à l'heure actuelle. Tant qu'on ne saura pas le faire, on n'aura pas de machines vraiment intelligentes, d'agents virtuels avec lesquels on peut dialoguer, des choses comme ça. La puissance des machines sera vraiment limitée. On pourra résoudre des problèmes très spécifiques en collectant des données, en faisant l'apprentissage supervisé, mais on n'aura pas de machines vraiment intelligentes. Donc ça, c'est le premier. Les machines, si c'était le cas, pourraient s'autonomiser par rapport aux humains. Non, enfin. Se programmer elles-mêmes. Alors j'en viens aux deux autres modules, d'accord. Donc il y a un deuxième module qu'on pourrait appeler une fonction objectif, qui en fait a un équivalent dans le cerveau humain et les cerveaux des animaux, qui est une espèce de module de motivation. Donc c'est ce module qui nous conduit à avoir cette impulsion, à se nourrir quand on a faim, à se gratter quand ça nous gratte, à se reproduire, à se lever le matin pour faire quelque chose, etc. Et mathématiquement, on peut voir ça comme une espèce de fonction objectif. Donc la machine essaie de s'amener à un état qui va faire que ce module de fonction objectif va lui dire tu es heureux ou tu es malheureux, tu es content, tu n'es pas content. Donc on a un module très similaire dans le cerveau qui nous conduit à faire certaines actions. Et puis ensuite, le troisième module, c'est celui qui décide, en fonction des prédictions et de cette fonction objectif, quelle séquence d'action prendre. Donc le module objectif, en fait, c'est lui qui calcule les émotions, c'est-à-dire si... La prédiction est que dans très peu de temps, quelque chose de très mauvais va se passer, on va être malheureux, on a peur. Et ça va arriver pour les machines. Alors, les machines construites sur ce modèle, qui n'existe pas encore, seront probablement un certain degré d'autonomie, mais ce qu'il va falloir faire, c'est concevoir ou entraîner cette fonction objectif de manière à ce que les pulsions et les valeurs de la machine soient alignées avec les valeurs humaines. Ce sera la manière de s'assurer que les machines travaillent de concert avec l'humanité. Mais puisqu'elles ont des désirs, vous l'avez dit, est-ce qu'on est sûr qu'elles auront envie de nous obéir ? Est-ce qu'elles auront envie d'épouser nos valeurs ? Il faudra que ces désirs soient pilotés par des valeurs qui soient alignées avec les valeurs humaines, oui. C'est quand même des sujets vertigineux, je pense. Vertigineux, oui. Enfin, c'est pas des sujets, disons, très imminents ou urgents, parce que encore une fois, on n'a pas les technologies pour construire ces machines qui peuvent construire des modèles du monde, en tout cas, qui peuvent pas être très compliquées. Mais est-ce que ces machines vont indirectement démuscler nos cerveaux ? C'est-à-dire que elles ont tellement de pouvoir par rapport à nous que finalement on va renoncer à penser en qu'elles pensent mieux que nous. Est-ce que les pelleteuses ont démusclé nos bras? Est-ce que bon, peut-être les voitures ont un petit peu démusclé nos jambes, mais pas trop. Bah la technique a quand même changé notre condition physique. Ça a changé notre condition physique, mais ça n'a pas supprimé la capacité à marcher ou à porter des choses avec nos bras. Je pense que c'est une bonne image de voir l'intelligence artificielle comme une amplification de l'intelligence humaine, de même que les grues et les pelleteuses sont une amplification de notre force physique. Et les Mais si l'intelligence artificielle se met à délirer, à se tromper, est-ce qu'on aura les moyens de la corriger? Je vous pose la question parce que il y a quelques semaines est mort un monsieur que vous connaissez peut-être de nom, Stanislas Petrov. Ça vous dit quelque chose? C'est un Russe qui est mort à 77 ans. Il était lieutenant-colonel dans l'armée russe, chargé du contrôle par satellite de l'espace aérien. Et le 26 septembre 1983, en pleine guerre froide, en pleine nuit, vous connaissez l'histoire? Je connais l'histoire. Il était de garde et les ordinateurs se sont affolés. Une sirène a retenti, signalant que 5 missiles intercontinentaux américains faisaient route en direction de l'Union soviétique. Quelques semaines auparavant, un avion coréen avait été abattu par les Russes, au motif qu'il avait survolé l'espace aérien, de sorte que la guerre froide était devenue plus que tiède. Et normalement, ce monsieur, Stanislas Petrov, aurait dû prévenir la chaîne de commandement militaire, ce qui aurait sans doute déclenché une troisième guerre mondiale. Il a paniqué, mais il a pris le temps de réfléchir, et il a fini par se résoudre à ne prévenir personne. 5 missiles, s'est-il dit, ce n'est pas assez, ce doit être une erreur de logiciel, parce que le logiciel est tout neuf, donc il a suspecté une erreur. Oui. Et la suite de l'histoire lui a donné raison. Et donc la question, c'est est-ce qu'on aura toujours besoin de l'intelligence humaine pour contrôler l'intelligence artificielle? Alors c'est une bonne question. Donc on se pose, bien sûr, beaucoup de gens se posent cette question pour savoir si par exemple un jour les avions se piloteront tout seuls. Les avions se pilotent déjà tout seuls, mais on met quand même un pilote dans le cockpit. Est-ce que les voitures se conduiront toutes seules? Ça ne fait aucun doute. Il y a probablement une période où les voitures automatiques seront tellement plus fiables que les conducteurs humains. Oui, mais il paraît qu'une voiture automatique qu'on met dans Paris en lui demandant de respecter strictement le code de la route se bloque place de la Concorde. Oui, absolument. Alors, c'est pour ça que le problème n'est pas résolu. Hein. Pour l'instant, les voitures qui se conduisent toutes seules fonctionnent à peu près bien sur l'autoroute ou sur les routes. Il faut leur apprendre l'agressivité parisienne. Il faut leur apprendre à casser les règles quand c'est nécessaire. Mais bien sûr, quand toutes les voitures sont automatiques, on aura plus de problèmes. Puis elles pourront se parler les unes avec les autres. Une transition délicate. Il y aura une transition un petit peu délicate, mais en fait, qui va se faire progressivement, c'est-à-dire que les voitures vont devenir de plus en plus de fonctions vont devenir automatiques et vont regarder par-dessus l'épaule des conducteurs humains. Mais à partir d'un certain stade, peut-être d'ici une vingtaine d'années, les systèmes de conduite automatique seront plus fiables en fait que les humains et ça deviendra une question qui va se poser au gouvernement, c'est est-ce qu'on doit interdire aux humains de conduire leur propre voiture sur les routes? Bien sûr, on pourra toujours le faire pour s'amuser sur des circuits. Mais qu'est-ce qu'on va faire si on peut plus rien faire? Alors on fera plein d'autres choses peut-être plus intéressantes que de passer des heures dans les embouteillages. Mais est-ce que ça va nous rendre plus intelligents ou moins intelligents? C'est-à-dire que on va vers la crise d'épilepsie ou on va vers une intelligence augmentée? La crise d'épilepsie, je rappelle, c'est quand un neurone est connecté à tous les neurones, échange une information très pauvre, alors qu'en fonctionnement normal, un neurone est connecté à 10 000 neurones et échange des informations pertinentes. Oui, alors je pense que ça va changer la valeur qu'on attribue à plusieurs activités humaines. Donc de même que la force physique, par exemple, dans le temps, avait beaucoup de valeur, elle a beaucoup moins de valeur dans notre monde moderne, en tout cas dans la plupart des pays, à cause de l'industrialisation. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités humaines donc qui vont augmenter en valeur, telles que on parlait tout à l'heure de l'improvisation du jazz. Je pense qu'il y a un bon futur pour les musiciens de jazz. Ça a trait à la créativité, à la communication, à l'expérience humaine. Un exemple que je cite quelquefois, c'est que vous pouvez télécharger une interprétation de, disons, la flûte enchantée de Mozart pour 6 euros. Mais si vous voulez assister à une représentation à l'opéra de la flûte enchantée de Mozart, ça va vous coûter 200 euros et c'est pourtant subventionné. Donc ça veut dire que l'expérience authentique humaine qui implique une communication avec d'autres gens coûte plus cher que ce qui est mis dans la boîte. Similairement, On peut acheter un lecteur de Blu-ray pour 50 euros. C'est une pièce de technologie incroyablement sophistiquée qui réunit des inventions de ces dernières décennies. Par contre, vous voulez acheter un bol en céramique fait à la main, ça va coûter 500 euros. C'est une technologie vieille de 10 000 ans qui n'a pas changé en 10 000 ans. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Yann Lequer, l'émission va bientôt se terminer. On n'a pas le temps d'évoquer toutes les questions éthiques que cela pose, qui sont innombrables. Je voulais simplement, pour terminer, vous faire réagir à un propos de Régis Debray dans une interview récente qu'il a donnée au Figaro. Il parle indirectement de l'intelligence artificielle. Voilà ce qu'il dit. Je trouve très bon que le juge ait une robe et le militaire un uniforme. C'est précieux, le personnel impersonnel. C'est la leçon de l'État et du monde catholique. On ne demande pas à un prêtre ou un gendarme son nom de famille. Que la fonction dépasse la personne, c'est le début de la civilisation. L'extrême de la transparence, c'est la désublimation. Vous n'êtes que ce que vous êtes, c'est-à-dire la liste de vos derniers achats. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, en effet, nous ne sommes pas en train de livrer nos vies privées, nos données, d'une façon qui nous échappe complètement? Alors je ne crois pas du tout qu'on ait la liste de nos derniers achats. On est bien plus que ça, heureusement. Non, mais pour les systèmes. Pour les systèmes informatiques, finalement, c'est ça qui nous définit, à leurs yeux. Pour certains systèmes informatiques qui ont un intérêt très très précis de vous vendre quelque chose, peut-être, oui. Mais en général, non, bien sûr. Je pense que la complexité de la personne humaine est toujours hors de portée de la compréhension. Donc vous ne craignez pas ce qu'on pourrait appeler un human exit, une sortie de l'humanité? Non, pas du tout, pas du tout. Vous ne croyez pas à la singularité de Kurzweil? Je ne crois pas du tout à la singularité non plus. Ni à Terminator. Alors certainement pas au Terminator. La singularité découle d'une ignorance de termes de friction dans l'évolution. C'est-à-dire que la pénétration d'une technologie dans la société, la vitesse avec laquelle une technologie se répand, est limitée en fait par la capacité des gens à l'absorber et à apprendre. Le décollage à vitesse infinie de la singularité, je n'y crois pas du tout. Il y a beaucoup trop de termes de friction dans le déploiement de la technologie. Merci Yann Lequin d'être venu à la conversation scientifique. On a appris beaucoup de choses. J'ai même l'impression que j'ai compris, enfin je peux proposer une définition nouvelle de l'intelligence. L'intelligence, c'est le contraire de la bêtise. Merci à vous. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Julien Douminc et à la réalisation François Connac. Plaisir de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.